J'accuse. Oh oh. Oh oh. Tous ces bouffons et tous ces cons. Oh oh oh. Au chemin, te voilà. Oh oh oh oh. Tu sais pas quoi faire. Y'a des mecs qui voudraient te faire la peau. Oh oh oh. Genre juste là, dans ton dos. Oh oh oh. J'accuse. Oh oh oh. J'éjacule. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh, j'éjacule, oh oh oh oh, tous ces bouffons et tous ces cons, oh oh oh oh, je cherche même te voilà.